c'est bien ma faute, oui c'est ma faute, si pour un autre je l'ai perdue, je la soupçonne, je la questionne, je lui pardonne, mais c'est en vain, je la dévisage sur son visage. L'image de mon déclin. Oui, tu peux l'attendre, tant que d'attendre, je dois comprendre que c'est la vie. Tourner la page, je l'envisage, après l'orage, tout est fini. Mais qu'elle comprenne qu'avec ma peine, puisque je l'aime, rien n'est plus fort. Apprendre de sa voix tendre qu'il faut attendre, j'attends encore. Tu peux l'apprendre, sans plus attendre, je dois comprendre que c'est la vie. Tourner la page, je l'envisage, après l'orage, tout est fini. J'ai dû te dire mille bêtises, mille sottises, oublie tout ça, oh oui. Et si elle veut comprendre, et qu'elle revienne, et qu'elle me prenne entre ses bras.